Incognito, il a écrit un sang pour tous les jeunes des foyers. Hein? En espérant que ça leur plaira et qu'ils comprennent. Sortez les jeunes des tentatives de suicide, de toute cette dépression qui les anéantit. Les jeunes rêvent plus dès qu'ils fument plus. Leur mauvais rêve leur a gâché l'enfance. Les peuples et toutes ces drogues de hum. Le force compliqué, je les comprendrai. Tu connais posé sur le banc à fumer. Je vois des jeunes de 14 ans en boîte, c'est choquant. Je rappelle leur expliquer qu'il faut s'exprimer. Leur prouver que même des jeunes du foyer avec un passé compliqué peuvent y arriver, faut juste forcer. Ne jamais lâcher les rêves qui nous endurent. Arriver au bout du fil, ça devient une fierté. Pendant leur repas de famille, ils se retrouvent solo dans l'ombre. Écrire des textes sur son avenir. Aujourd'hui, je claque des CV sur la table. Construis ta vie, passer de l'autre navire. Sans elle, on vit un calvaire. Elle, je sais, une reine. Elle a élevé des princes et des princesses. Ouvrons nos parapluies et nos lettres. Et va dire à ta mère que tu l'aimes. Je verse 2-3 larmes sur la lame. Nouvelle génération, des jeunes perdus. L'amour est devenu n'importe quoi. Ils pensent qu'à faire du mal aux femmes. Je parle du refroidement, désolé. Mais c'est pour qu'ils comprennent que cette génération va s'éteindre. Dans même pas quelques années, le temps s'écoule au bout du chemin. Se tient ce foutu lapin, horloge à la main. Seul dans l'ombre, on sombre. On pense plus au destin, juste aux copains. Mauvaise influence sur nos plus jeunes. Les grands, on n'a pas honte de leur acte. Papa, maman, plus présent depuis gamin. On tient nos promesses, nos mots, dans les creux de nos mains enfantins. Des rêves qui nous restent lointains. On pense plus au lendemain. La santé mentale s'absente comme moi, on court tous les 4 matins. Certains jeunes ont des problèmes physiques quand certains te critiquent sur les cicatrices que tu as laissées pourrir. Au fond de toi, t'as préféré un gif et garder ton petit sourire. Je joue pas du piano, je suis plutôt du style à rapper sur la mélo. Au bout du chemin, se tient pour ce foutu lapin. Horloge à la main. Et oui, les jeunes, c'est des conseils, mais je rappe pour qu'ils comprennent. Si j'arrive, pourquoi pas toi? Mon grand, change pas de chemin. T'es dans le bon destin. Incognito, hein? Incognito, hein? Incognito. La rue, c'est encore seul.